passé un très bel après-midi avec nous. Là, tout de suite, c'est Histoire vivante. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. On voit les Arabes portant dans leur turban une sorte d'épi de maïs. C'est cette fleur d'oubli qui répand pendant de longues semaines ce parfum étrange. Cette semaine, l'Arabie Saoudite. Moi, je suis l'idéologie et toi, tu es le bras armé. Fondation. L'Arabie abrite les deux principales villes saintes de l'islam. Et transformation. Nous allons voir ce que les Américains peuvent faire en apportant leur technique dans les sables d'Arabie. Une immuabilité en mouvement. De toute évidence, le roi Saoud n'était pas à la hauteur. Et qu'il devrait qu'on pratique l'esclavage en Arabie Saoudite. Vous avez ces 6000 personnes qui sont les propriétaires du pays. Ladies and gentlemen, the man that you all would like to hear from, His Royal Highness Prince Mohammed bin Salman. Je me suis dit que s'attaquer à un dictateur qui était un ami de l'Occident, c'était tout à fait intéressant. Et je dois dire, j'ai pas été déçu. Rebonjour Antoine Witkin, nous étions déjà avec vous hier pour évoquer votre nouveau documentaire, prochain documentaire d'Histoire vivante sur la RTS. Alors, ce documentaire porte sur, comme toute notre semaine, l'Arabie Saoudite, mais plus précisément sur la personnalité de son actuel leader, qui répond aux trois initiales MBS, alias Mohammed bin Salman. On a évoqué hier un certain nombre d'aspects, notamment du personnage, sa psychologie, son caractère, à la fois sa formation et puis ses dossiers urgents. Rappelez que c'était un homme extrêmement pressé, mais surtout qui avait particulièrement ramené le pouvoir de façon extrêmement forte sur sa propre personne. On va avec vous commencer par les relations internationales entre les vieilles complicités qui font quand même des montagnes russes avec l'administration américaine, selon les administrations, et puis l'ennemi de toujours, ou quasi, à savoir l'Iran. Alors on va commencer déjà par les États-Unis. Nous, au début de semaine, on était à bord du Quincy, et puis les choses semblaient aller au mieux entre États-Unis et Arabie Saoudite. Et puis quand on fait un bond dans le temps et qu'on arrive à la période Barack Obama, là, les choses ont quelque peu bougé, changé. Vous avez une scène dans votre documentaire qu'on découvrira dimanche, qui est particulièrement savoureuse. Est-ce que vous pourriez peut-être nous donner un peu la couleur de ces relations-là ? Les relations avec l'Arabie, les États-Unis sont évidemment pour le pouvoir saoudien central, pour une raison très simple. La première, c'est que des États-Unis provient la sécurité. L'Arabie Saoudite est un pays sans armée, sans soldats, sans esprit militaire. Alors, pourtant, c'est un pays de bédouins et les Saouds ont conquis le pays par les armes. Manifestement, ça date d'un peu trop longtemps en arrière et donc leur armée est totalement déficiente. Alors, je fais une parenthèse, mais lorsqu'on voit à la fois l'incapacité de l'Arabie Saoudite à se défendre face à une attaque de missiles iraniens et de drones, dont on parlera peut-être, et ses problèmes militaires extrêmes au Yémen, même si une guerre de guérilla, c'est jamais une chose simple, on se dit qu'effectivement, son armée est quand même bien impuissante. Et donc, les États-Unis, c'est d'abord la sécurité, ce qui est absolument essentiel pour les Saouds dans cette région, qui est quand même une région mouvante. Et effectivement, sécurité sous-entendant une grosse présence américaine ? Oui, il y a surtout une garantie américaine. Ça veut dire que les Saouds partent du principe que les États-Unis sont le parapluie, sont le protecteur, et ils partent du principe surtout que les États environnants et les ennemis, en particulier l'Iran, on va en parler tout de suite, le savent. C'est l'essentiel. Et pour comprendre la raison de la dégradation avec Obama, qui est un moment important et... Alors, il faut sans doute pas en rester seulement à la question des hommes, ça correspond à quelque chose de plus large, qui est le désengagement progressif de l'Amérique du Moyen-Orient, qui est quelque chose d'assez profond, et deuxièmement, la distance croissante entre l'Amérique et l'Arabie Saoudite, qui est quelque chose qui a dans le point de départ, et le 11 septembre 2001, où les pirates de l'air sont pour l'essentiel saoudiens et dirigés par un saoudien. Et en cela, il y a une continuité très forte, malgré toutes les différences entre Obama et Trump. Et j'y reviendrai. Mais c'est ça le cadre, et ça explique évidemment cet éloignement. Et plus précisément, c'est l'Iran le problème. Ça veut dire que l'Arabie Saoudite est obsédée par l'Iran, les Saoudiens voient l'Iran comme un problème et une menace existentielle, et les Iraniens sont obsédés par l'Arabie Saoudite. Pour faire simple, on pourrait résumer ça en une concurrence entre deux légitimités religieuses. L'Iran se veut la puissance dominante de la région, du Moyen-Orient, depuis 1979, assise sur, évidemment, la puissance traditionnelle iranienne et perse, mais en premier lieu sur l'idée d'une révolution islamique. Alors, les Iraniens sont chiites, mais cette question-là, chiite-sunnite, pour moi, est secondaire. Évidemment, elle en procède, mais elle est secondaire. C'est d'abord, l'Iran est d'abord un État révolutionnaire islamique qui veut, au nom de l'islam, changer le Moyen-Orient en sa faveur. Et l'Iran s'est toujours senti encerclé, agressé par les puissances environnantes. Il se trouve qu'elles sont sunnites, mais surtout pro-américaines. Ce que n'est pas l'Iran. À l'inverse, mais il faut comprendre les Iraniens pour comprendre pourquoi, évidemment, c'est une dynamique, cette obsession réciproque. Et les Saoudiens sont terrifiés, parce que c'est un État faible, j'ai mentionné la question militaire, sont terrifiés par cette puissance iranienne et par ce discours iranien permanent de délégitimation des Saouds permanent. Alors ils ont quelques raisons de l'être, ils ont une raison notamment c'est qu'il y a une minorité chiite, 20% de la population saoudienne, ça n'est pas rien, qui en plus se trouve sur les lieux de production du pétrole saoudien à l'est du pays. Donc les Saoudiens sont absolument obsédés par l'Iran, et obsédés en particulier par une menace à l'époque Obama, qui était que l'Iran se dote de l'arme nucléaire, ce qui aurait profondément changé l'équilibre des forces dans la région. Ils ont sans doute des raisons de le craindre. Nous avons d'ailleurs des raisons de le craindre aussi, parce que si les Iraniens sont dotés un jour de l'arme nucléaire, les Saoudiens feraient de même immédiatement. Ils ne se sont jamais cachés. D'ailleurs, certains d'entre eux me l'ont confirmé très clairement. Et il faudrait effectivement, à ce moment-là, trembler. Et c'est la raison pour laquelle l'administration Obama avait très justement mis en œuvre une négociation avec les Iraniens pour empêcher que cela se produise en Iran et, par voie de conséquence, dans la région. C'est la raison du désamour avec Obama. C'est d'abord ça. Les Saoudiens sont devenus fous à ce moment-là parce qu'ils ont senti que les Américains, au-delà de la négociation nucléaire avec l'Iran qui leur faisait peur pour toutes les raisons que vous avez compris, que les Américains, à terme finalement, avaient peut-être plus de choses à faire avec l'Iran qu'avec l'Arabie Saoudite. Les sociétés iraniennes et américaines sont beaucoup plus proches que les sociétés saoudiennes et américaines. Et ça, ils l'avaient parfaitement compris, que à terme, et j'en suis d'ailleurs moi-même convaincu, le jour où le pouvoir en Iran devient plus acceptable, ou bien parce que miraculeusement émerge un Gorbatchev iranien, ou bien parce que la population iranienne renverse son oppresseur, les Occidentaux auront beaucoup plus d'alliances et d'atomes crochus et d'intérêts communs avec l'Iran qu'avec l'Arabie Saoudite. Donc les Saoudiens le savent, et donc effectivement, les relations se sont profondément dégradées avec Obama, pour culminer symboliquement par une scène, effectivement, à laquelle vous faites allusion dans mon documentaire. Barack Obama, dont le pays ne dépend plus du pétrole saoudien, se désengage du Moyen-Orient. Pire, lorsqu'il se rend à Riyad en 2016, c'est pour annoncer la signature d'un accord sur le nucléaire avec l'ennemi juré des Saouds. Ils avaient le sentiment de ne pas avoir été consultés. Ils ont été surpris par ces négociations secrètes. Ils nous reprochaient d'aller trop loin avec un pays qu'ils considéraient comme ennemi. Si l'Arabie Saoudite est ainsi traitée par son allié historique, c'est aussi parce qu'elle a mauvaise presse en Occident. Hors caméra, se produit un incident révélateur. Le président s'est dit préoccupé par les peines infligées à certaines personnes pour un simple tweet. 1000 coups de fouet, 10 ans de prison, 16 ans de prison. Il a cité tous ces cas. Le roi a apporté une réponse. Et puis, MBS s'est levé et a pris la parole, ce qui était contraire aux usages. Cinglant, le jeune ministre va jusqu'à proposer au président américain un cours de droit saoudien. C'est notre système, nous avons nos lois, nos juges. 6 mois plus tard, tout change. MBS a la divine surprise de voir entrer à la Maison Blanche un homme qui vilipende la politique iranienne d'Obama. Juste un point avant d'aborder la question de Trump. Pour les angoisses du gouvernement en Arabie Saoudite, ou du pouvoir, plus exactement en Arabie Saoudite, plus que de gouvernement, est-ce que le fantôme, pas si lointain, mais tout de même, prise d'otage de la Mecque à la fin des années 70, donc d'une sorte de sensation de cancer à l'intérieur même de la société, continue d'obséder le pouvoir en Arabie Saoudite? Ça renvoie en tout cas à l'année noire qui est l'année 79, où effectivement, d'une part, révolution islamique à Téhéran, et d'autre part, prise de la Mecque, où les Saouds comprennent qu'ils sont en plus de ça menacés intérieurement, et ils n'ont pas quitté cette idée-là. Ils sont menacés intérieurement par les islamistes locaux, qui, dans une surenchère de qui est plus musulman, qui est meilleur musulman, évidemment, peuvent contester le pouvoir saoud ou wahhabite qu'il soit. Et aujourd'hui encore, effectivement, MBS se sent réellement menacé par les islamistes, et également par les modernes, par les progressistes, par les démocrates saoudiens qui existent aussi. Et on y faisait allusion hier, Mohamed Ben Salman a l'impression, en plus, de ne pas avoir le temps, et il a l'impression d'être dos au mur, parce que, en plus de cette menace externe iranienne en l'occurrence, il a le sentiment que son pays est potentiellement affaibli par son absence d'économie soutenable dans le temps, par ses problèmes économiques qui s'accumulent. Les caisses saoudiennes sont en train de se vider, et évidemment face à l'Iran, tout ça est aussi un facteur extrêmement important. Et ça joue évidemment dans ses rapports aujourd'hui avec l'administration Trump. Le prince n'a eu de cesse de convaincre son père d'être envoyé à Washington. En mars 2017, il parvient à ses fins. Pour MBS, ce voyage à Washington fait figure d'examen de passage. J'ai vu quelqu'un de très bien préparé, bien briefé, qui savait de quoi il parlait. Le plus impressionnant, c'était son charisme et son dynamisme. Quand c'est utile, MBS sait utiliser cette autre facette de sa personnalité, surtout lorsqu'il s'agit de convaincre l'ancien homme d'affaires de sa volonté de réformer son pays. Il a le sens de l'urgence. Ça colle bien avec Trump, un businessman qui dit toujours « Allons-y, maintenant !» MBS était pareil. Deux mois plus tard, Trump accorde son premier voyage à l'étranger, à l'Arabie Saoudite. Celui qui vient de déchirer l'accord nucléaire avec l'Iran y est reçu comme un vice-roi. Nous étions dans la voiture qui suivait le président. On les entendait de loin. Quand on est arrivé, ils avaient des épées, il y avait une sorte de champ de guerre. On se serait cru sur le tournage de Lawrence d'Arabie. Antoine Vinkin, on en passe pour continuer sur la relation États-Unis-Arabie Saoudite à l'actuel, l'incontournable, celui qui tweete plus vite que son ombre. Alors, les relations, il faut probablement d'ailleurs relativement les personnaliser, parce qu'au fond, l'actuel locataire de la Maison-Blanche n'a de cesse de personnifier sa présence sur les lieux et dans le reste du monde. Entre Donald Trump et MBS, le courant passe-t-il? Et si oui, comment? Alors, je pense qu'entre les deux, il n'y a strictement rien, strictement aucun courant. Et finalement, la clé de l'affaire m'a été donné par Steve Bannon, que j'ai interviewé pour ce film, qui me disait d'ailleurs, hors caméra, dans le fond, nous, enfin, les électeurs de Trump, et Trump ne s'intéresse en premier lieu qu'à ses électeurs, il a une ligne politique, mais nos électeurs n'aiment pas les Saoudiens. Voilà. Donc, il n'y a aucun autre crochu à avoir. Bon. Alors évidemment, ils se sont rencontrés. Bon, je pense que du point de vue de Trump, Mohamed Ben Salman est un exotique personnage venu de très loin. Trump a une vision quand même assez limitée du monde extérieur. Et c'est un affidé, de toute façon, qui signe des contrats. Alors ça, effectivement, Trump le voit et ça lui importe en premier lieu. C'est ça, la relation entre les deux. Alors, il se trouve qu'évidemment, les relations se sont réchauffées lorsque Mohamed Ben Salman est venu voir Donald Trump qui venait d'arriver à la Maison-Blanche, ce qui évidemment pour les Saoudiens était une divine surprise, parce que Trump, pour des raisons là aussi essentiellement internes à son pays, a remis en cause l'accord signé par Obama avec les Iraniens. Remise en cause parfaitement criminelle, mais remise en cause. Mais d'abord pour des raisons intérieures. Il ne l'a pas fait pour les Saoudiens. Évidemment, les Saoudiens ne pouvaient en être que ravis. Quand je dis qu'ils ne l'ont pas fait pour les Saoudiens ont déployé quand même tous leurs moyens, qui ne sont pas minces, à Washington, c'est-à-dire du lobbying, de l'argent, de l'influence diverse et variée, pour, main dans la main avec les Israéliens, dont l'influence également n'est pas mince à Washington, pour les uns et les autres faire pression sur l'Amérique, sur le Congrès, sur la classe politique, et donc sur l'électorat de Trump, sur les médias, et donc sur Trump lui-même, pour mettre à bas l'accord iranien. Ça a un peu joué, mais je ne suis pas convaincu que Trump a déchiré l'accord avec l'Iran parce qu'il a été l'objet de ces pressions-là. Tout ça, finalement, il y a une cohérence idéologique forte là-dedans. Et donc, les relations se sont réchauffées, et c'est la raison pour laquelle la première visite à l'étranger de Donald Trump a été pour l'Arabie Saoudite. Ça n'était pas évident au départ. Trump avait eu des mots très durs vis-à-vis de l'Arabie Saoudite pendant sa campagne. Je vous ai mentionné ce que m'a dit Steve Bannon, c'est-à-dire « notre électorat n'aime pas les Saoudiens ». C'était ça la ligne. Pour diverses raisons, Et des raisons financières aussi. Il a choisi ce pays pour sa première visite. Ce que j'en conclus, c'est que lorsque on est arrivé dans le dur, et là je fais un petit saut dans le temps, c'est-à-dire après cette lune de miel, après même d'ailleurs que Trump ait soutenu Mordicus MBS, qui quand même était dans le sale drap après l'assassinat de Khashoggi, lorsqu'on en arrive au dur, c'est-à-dire lorsque l'Arabie Saoudite, les installations pétrolières saoudiennes à la rentrée 2019 sont bombardées par l'Iran, où là, si vous voulez, cette fois, on rigole plus. C'est pas des papouilles, des mamours, des accords iraniens déchirés de concert et tout ce que vous voulez, des cérémonies à Riyad. L'Iran attaque l'allié des États-Unis, l'attaque directement, attaque en plus ce qui est stratégique, c'est-à-dire la production pétrolière, qui importe à l'Amérique, moins qu'avant, évidemment, gaz de schiste et baisse du poids du pétrole, mais importe quand même. À ce moment-là, Trump ne bouge pas. Voilà. Je crois que ça résume assez bien ce qu'est la relation entre Trump et MBS, dans lequel, pour rebondir sur le début de votre question, au départ, je crois qu'il n'y a absolument aucun affect. De toute façon, Trump n'a d'affect pour personne, hormis pour lui-même. Jamal Khashoggi est un ancien proche des Saouds, devenu par la suite opposant, un renégat donc aux yeux de MBS. Depuis quelques mois, il pousse le défi jusqu'à écrire des éditoriaux dans le Washington Post. Les Saoudiens sont réduits au silence. Les choses ne sont pas transparentes et ce n'est pas un bon environnement pour les réformes en Arabie Saoudite. Le fait que Khashoggi ait choisi Washington pour écrire ses articles a contrarié Mohamed Ben Salman, qui dépensait dans le même temps des millions de dollars en lobby et en think tank dans le but d'améliorer son image à Washington. Tout s'achète. Khashoggi se voit proposer un poste de conseiller du prince. Il refuse. Le 2 octobre 2018, un proche de MBS lui assure qu'il ne risque rien à se rendre au consulat saoudien d'Istanbul, où il doit signer des documents pour son prochain mariage. Venu de Riyad, une équipe de tueurs, parmi lesquels le garde du corps personnel de MBS, le met à mort, puis démembre son corps pour le faire disparaître. Le véritable tournant est intervenu quelques semaines après, lorsque nous avons été les premiers à révéler le rapport de la CIA. En se fondant sur leurs sources, leurs experts et des écoutes, les services de renseignement estimaient avec quasi-certitude que Mohamed Ben Salman avait dirigé l'opération. Antoine Witkin, vous faites cet entretien avec Steve Bannon à quel moment du dossier Khashoggi ? Je suis allé voir Bannon après l'affaire Khashoggi et la veille de la réaction officielle de Trump au bombardement dont je faisais allusion sur l'Arabie Saoudite par les Iraniens. Donc c'était tout à fait intéressant. Et Bannon a une vue assez traditionnelle sur tout ça. Sur l'affaire Khashoggi, Bannon est un être humain normalement constitué, donc évidemment il a été choqué. Il a été choqué parce que c'est humainement choquant pour quiconque. De toute façon, je crois pas que Bannon rêve de découper ses opposants en morceaux. Et c'est également choquant lorsqu'on construit une politique étrangère qui suppose tout de même des liens avec l'Arabie Saoudite, parce que ça remettait en question énormément de choses. Pour rien. Enfin, ce que je veux dire, c'est que les Saoudiens n'avaient pas besoin d'éliminer Khashoggi. Tous les gens qui sont dans ce dossier, qui ont des intérêts avec les Saoudiens, n'ont cessé de me dire mais quelle connerie, quelle bêtise absolue. Enfin, ça n'a aucun sens. C'est probablement l'acte le plus contre-productif de l'histoire de ces dernières années sur la scène internationale. Donc, Bannon est sur cette ligne-là, sans aucun doute, tout en soutenant la ligne Trump, en disant « Moi, j'ai lu le rapport de la CIA, il n'y a pas de preuve de l'implication directe de Mohamed Ben Salman », ce qui est faux, hein. La CIA dit le contraire, mais sauf qu'on n'a pas lu le rapport de la CIA, le Washington Post l'a lu, et donc dit « La CIA dit que MBS est impliqué », sauf qu'ils ne l'ont pas produit, et donc, évidemment, Bannon a toute la facilité pour dire « Je l'ai lu, et voilà ce que j'en pense ». Agnès Callamard, rapporteur de l'ONU en matière d'exécution extrajudiciaire, a de son côté établi un rapport assez conséquent, d'une centaine de pages, sur cette affaire Khashoggi. Est-ce qu'au moment où l'affaire se déroule, vous êtes face à des choix, des risques de déséquilibre, puisqu'il n'est pas question de ne pas évoquer l'affaire, forcément, vu sa résonance internationale à l'intérieur de votre documentaire, mais quelle place lui donner ? Est-ce que ça pouvait risquer d'être une place part trop importante. Comment ça s'est négocié, ça, pour vous ? Absolument, c'était ça ma question. Quelle est la place de l'affaire Khashoggi dans le parcours de Mohamed Ben Salman, dans les enjeux saoudiens et donc dans mon film ? Et je pense lui avoir donné la place qu'elle méritait, c'est-à-dire en gros quelque chose qui est tout à fait significatif parce que ça témoigne de la gestion du pouvoir par Mohamed Ben Salman. Vous le disiez hier, je crois, en citant Paul Morand, c'est un homme pressé, trop pressé. Et en l'occurrence, il n'a pas supporté les critiques de Jamal Khashoggi, qui, et sa colère s'explique sans doute par le fait que Khashoggi n'est évidemment pas qu'un simple journaliste, c'est aussi un militant politique, très proche des Frères musulmans et du Qatar, qui sont les bêtes noires de Mohamed Ben Salman, quelqu'un qui a servi le régime saoudien pendant longtemps et qui donc... C'est beaucoup de choses. Donc, ça n'est pas, évidemment, un simple journaliste. Ça n'enlève strictement rien aux actes eux-mêmes, mais ça explique la rage de Mohamed Ben Salman. Donc, c'est quelque chose qui est significative de la gestion du pouvoir et de la psychologie de Mohamed Ben Salman. Donc, ça a toute sa place. Et en même temps, ce n'est qu'une péripétie de l'histoire que je racontais. Et donc, finalement, dans mon film, je l'ai traité, je pense, à sa juste valeur. C'est-à-dire que... Mais vous ne pouviez pas savoir les conséquences vis-à-vis de la justice internationale, dans quelle mesure cette affaire-là pouvait être, et le pourrait encore, bien qu'il semble qu'il y ait, en tout cas aujourd'hui, depuis juin 2019, c'est-à-dire depuis la publication que l'on peut trouver en ligne de ce rapport d'Agnès Callamard, il pouvait y avoir un accélérateur vis-à-vis de la justice internationale. Pour l'instant, point mort, mais au moment où vous travaillez sur le dossier, vous n'en savez rien. Non, j'en sais rien, mais enfin, ce que je sais, c'est que la justice internationale, jusqu'à aujourd'hui, n'a pas dans son dossier la capacité, un, à mettre en œuvre un processus majeur, et deux, à présenter un smoking gun. Le smoking gun, on sait à peu près qui l'a dans ses dossiers. En l'occurrence, ce sont des services de renseignement de plusieurs États. Agnès Callamard n'a pas ce smoking gun. Donc ce que je veux dire par là, c'est que si un processus était mis en œuvre, ce que je ne crois absolument pas, Mohamed Ben Salman sans doute s'en tirerait très bien. Et donc, ça n'impacterait qu'à la marge mon dossier, parce que ce que je raconte et ce qui est la réalité, c'est que de toute façon, la responsabilité saoudienne est établie, donc il n'y a pas de débat. C'est-à-dire que ça a des incidences politiques, diplomatiques. Savoir si ça a des incidences juridiques, c'est une non-question. La responsabilité de Mohamed Ben Salman est très fortement soupçonnée, mais je reviens à ce que je disais, je doute qu'on puisse aller considérablement plus loin, à moins qu'il y ait un coup de théâtre et que quelqu'un bien intentionné produise une écoute, puisqu'en l'occurrence, ce sont probablement des écoutes. Sur la scène de son forum économique annuel, si MBS plaisante d'aussi bon cœur, c'est parce qu'il se sait soutenu par son protecteur, l'Amérique de Trump, et sa responsabilité personnelle dans l'affaire Khashoggi, jamais officiellement mise en cause. Pour en être bien sûr, il a su faire passer quelques messages. Dans un SMS, après le meurtre de Jamal, MBS m'a écrit qu'il était tellement déçu de la façon dont l'Occident le blâmait qu'il pourrait chercher d'autres alliés et amis plus à l'Est, c'est-à-dire en Chine et en Russie. Ce qu'il fait comprendre, c'est que s'il échoue à réformer son pays, ce pourrait être le chaos dans une région déjà instable. Franchement, la stabilité de l'Arabie Saoudite et de son gouvernement est 100 fois plus importante que ce problème. C'est une tragédie comme il en arrive tous les jours et partout. La stabilité du pays est bien plus importante. Ces messages sont bien reçus. J'ai vu et j'ai entendu les accusations et ça m'a choqué. Bien que je le connaisse mal, ça ne ressemblait pas à l'homme que j'avais rencontré. Mais le département d'État et d'autres ont dit « Nous avons reçu des rapports, nous nous alignons sur ce que les Saoudiens nous disent. » J'ai posé la question à Emmanuel Macron « Qu'est-ce qu'on fait ?» Et il m'a dit « J'ai une attente exigeante à l'égard de Mohamed Bin Salman. » Ça, c'était 3 mois après l'assassinat de Jamal Khashoggi. Attente exigeante, cela étant... La réelle politique depuis a fait son œuvre et la France, tôt ou tard, enverra son ministre des Affaires étrangères à Riyad parce qu'il y a la réalité de la diplomatie économique. Les Occidentaux sont contraints de traiter avec ce prince imprévisible. La réelle politique est à ce prix. Pour attirer les investisseurs, il leur propose une série de projets pharaoniques. La plus grande étendue de panneaux solaires au monde. Une cité touristique visant à attirer 2 millions de touristes par an. Une cité industrielle géante. Une néone. Pour financer ses projets économiques, il lui reste la vente du joyau de la couronne, Aramco, la société pétrolière dotée pour l'occasion d'un siège flambant neuf. Sa privatisation partielle pourrait rapporter des centaines de milliards aux caisses du royaume. On dit un mot pour conclure, Antoine Witkin, d'horizon 2030, parce que c'est un moment dans votre documentaire particulièrement réjouissant. On a droit, dans le documentaire que l'on pourra voir dimanche soir et que l'on peut voir sur le site des docs de la RTS depuis le début de la semaine, en tout cas dimanche soir si vous êtes fidèle au Vieux Poste, des images absolument savoureuses de l'avenir tel que MBS le souhaiterait pour son pays, l'Arabie Saoudite. En gros, horizon 2030, c'est quoi ? Alors, c'est intéressant que vous parliez d'horizon 2030 parce qu'effectivement, c'est l'horizon fixé 2030 pour la fin de la rente pétrolière, grosso modo, et en tout cas de la nécessité de passer à un autre modèle économique qui repose moins sur le pétrole. On en parlait justement hier. Mais le projet s'appelle Vision 2030. Voilà. Vision 2030. Parce que c'est une vision qui est celle de Mohamed Ben Salman. Alors, évidemment, il y a une dimension un peu comique, vous le verrez dans le documentaire, qui est que ça repose sur des grands projets. Alors, la ville du futur, large, d'une superficie... 10 fois Paris. Peuplée plus ou moins de robots, etc., etc. Une cité touristique géante, toutes sortes de choses. Bon, tout ça est évidemment, sont des plans sur la comète, mais c'est aussi du marketing à dessein pour attirer les investisseurs et pour signifier de manière forte qu'il se passe quelque chose en Arabie Saoudite. Mohamed Ben Salman, je crois, n'est pas totalement naïf et n'y croit qu'à moitié. Bon, même si évidemment... Surtout qu'il est tombé sur des investisseurs qui ne se sont pas bousculés. Oui, personne n'y croit. Personne n'y croit pour une raison, on en revient à Mohamed Ben Salman, c'est que si vous voulez, avant d'investir en Arabie Saoudite, y compris quand il s'agit non pas d'investir dans la ville du futur, mais tout simplement d'acheter des actions d'Aramco, Aramco, société pétrolière saoudienne, potentiellement plus grosse capitalisation du monde, parce qu'Aramco c'est quand même, est assise sur les premières réserves pétrolières du monde, donc c'est pas rien. Si vous, Jean Leclerc, je vous propose de placer une partie de votre patrimoine dans Aramco... Vous me verrez hésiter. Vous hésiterez et vous aurez raison. Pourquoi ? Parce que c'est l'Arabie Saoudite et c'est MBS. Et parce qu'MBS est imprévisible, mène des politiques imprévisibles, à tel point que lorsqu'il s'en prend à l'Iran verbalement, l'Iran attaque ses installations pétrolières et casse pour quelques jours ou quelques semaines la production pétrolière saoudienne. Donc le niveau d'incertitude à la fois sur l'Arabie Saoudite et le fait que ce pays est dos au mur face à des problèmes économiques majeurs, et puis qu'il y a des vraies questions sur la gouvernance du pays et sur vraiment la question MBS et sa psychologie, fait que même là, et on parle pas de la ville du futur, même là, lorsqu'il s'agit d'acheter des actions de cette boîte qui, quand même, potentiellement est une poule aux œufs d'or, eh bien, MBS n'y est pas parvenu. Voilà. À l'heure où nous parlons, les Saoudiens semblent avoir renoncé à mettre cette société sur le marché international des actions. Ça sera le mot de la fin, Antoine Witkin. Vous nous redonnez le titre de votre documentaire ? MBS. C'est voilà. À voir dimanche soir sur RTS2 et depuis le début de la semaine sur le site de la RTS. À très bientôt Antoine Witkin, puisque vous tournez aussi vite que votre ombre. Merci. À bientôt. Peu de jours après cet entretien auprès d'Antoine Witkin, on apprenait que l'Aramco, avec 25,6 milliards de dollars, avait réalisé la plus grosse introduction en bourse de l'histoire. Histoire vivante, une émission proposée par Jean Leclerc, en collaboration avec l'unité documentaire TV de la RTS et le journal La Liberté. Avec aujourd'hui la participation de Corinne Rocha, Valérie Dantan, Daniel Zacker et Jérôme Nussbaum. Réécoutez podcast sur histoirevivante.ch.